à un joli petit dessert, une salade de fruits très originale interprétée par ce talentueux chanteur. Il s'appelle Roberto Alagna. On adore dans cette émission Roberto. Et puis maintenant, on va continuer avec l'accordéon comme promis et c'est Christophe Pesset qui s'y colle. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Bonjour, bonjour. Eh bien oui, le froid s'installe. Eh bien, je vous propose de prendre encore de l'altitude pour rejoindre eh bien les belles chansons de Savoie et notamment eh bien une yodeleuse, la yodeleuse des Aravis. Elle s'appelle Magali. Elle va vous jouer bien sûr un morceau savoyard pour commencer qui s'appelle La Cascade. Alors vous allez voir, on va parler de beaucoup de choses et notamment du yodel. Mais pour l'heure, place à la chanson La Cascade. Et oui, on prend de l'altitude avec Magali Tochon. Alors il est certain que si Heidi des Montagnes devait rencontrer sa cousine Germaine, ce serait certainement Magali Tochon. Elle nous vient du petit village du Grand Bornan, que dis-je, du grand village du Grand Bornan. 2000 habitants au Grand Bornan, autant de vaches, 2000 vaches. Alors, et Magali, et bien sûr, joue de l'accordéon, mais aussi elle yodel. On l'écoute tout de suite dans Heidi. Oh. Thank you. j'étais ses compagnes et les fleurs ses amis. Pendant l'hiver, pendant l'été, quand le soleil brillait, toute la vallée résonnait de ses rires enchantés. Ah, c'est pas beau ça quand même. Magali, une habituée aussi de la télévision, auprès de Pascal Sevran à la Chance aux Chansons, mais aussi sur TF1 en compagnie d'Henri Salvador. D'ailleurs, je crois même qu'elle lui avait appris à chanter en tyrolien. Et puis son grand passage, eh bien, c'était M6 à Incroyable Talent, où elle était allée jusqu'en demi-finale. Alors on connaissait le brise-pied traditionnel, j'oserais dire. Eh bien, elle vous propose de découvrir maintenant le brise-pied tyrolien. On ne sait pas où elle va chercher tout ça, Arlette, mais chaque semaine, elle arrive toujours avec de belles chansons, de beaux artistes qu'elle nous propose chaque semaine et qu'elle nous fait redécouvrir, parce qu'on ne connaît vraiment pas tout de ces artistes qu'elle nous propose. On la retrouve aujourd'hui, elle arrive dans le studio, elle s'appelle Arlette, elle est là pour vous danser maintenant. Hello, bonjour à tous, bonjour Hubert. Bonjour Arlette, on parle de qui alors? Hubert, si je te dis, oui, le pionnier du tout.

Dansez en ligne maintenant sur Sorgia FM. Alors là, on va vous surprendre certainement avec cette danse en ligne qui n'est pas vraiment une danse en ligne au départ, ça on peut le dire, mais qui maintenant, eh bien, se pratique comme ça. Vous pourrez trouver sur internet les pas correspondants à cette jolie chanson. Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme un amour qui aurait existé, c'est comme un soleil là-haut dans le ciel. Ce n'est rien que moi, tombant dans tes bras. Une vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme une histoire que j'aurais inventée. C'est comme le vent, un soir de printemps. Ce n'est rien que moi, dansant avec toi. Vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme un secret que j'aurais bien gardé. C'est comme une fleur posée sur mon cœur. Ce n'est rien que moi, dormant contre toi. Je danse avec toi. Vague bleue qui veut m'emporter, c'est comme un espoir que j'aurais effleuré. C'est comme un bateau voguant sur les flots. Ce n'est rien que moi, rêvant près de toi. Je danse avec toi, je ris. Maintenant, sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Thank you. Un très beau morceau signé Vladimir Cosma, ça s'intitule « La valse d'Augustine ». Souvenir de toi, ça aussi c'est joli, ça c'est Alain Morisot. Et les Sweet People, bien entendu. Souvenir de toi, parsemé de tendresse, souvenir si doux qui ne me quitte plus. Souvenir de toi d'un matin de tristesse, de ce rendez-vous où tu n'es pas venu. Souvenir de toi, je t'espérais chez toi, le son de ta voix chante encore dans mon cœur. Souvenir de toi, je te cherchais, je pleure, s'en va, emportant mon bonheur. Souvenir de toi qui tourne dans ma tête, qui hante mes rêves jusqu'au bout de mes nuits. Souvenir de toi qui jamais ne s'arrête, jamais ne s'achève, et partout me poursuit. Souvenir de toi, je t'espérais chez toi, le son de ta voix chante encore. Toi, je te cherchais, je pleure, mon amour s'en va, emportant mon bonheur, mais je garde en moi le souvenir de toi, souvenir de toi. Encore dans mon cœur, souvenir de toi, je te cherchais, je pleure, mon amour s'en va, emportant mon. Allez, on part en Italie et on retrouve Christophe juste après. Volare. Oh, cantare. Oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Oh, una musica dolce toccava soltanto per me. Oh, oh, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù e volare. Sorgia. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Deuxième partie de cette rubrique accordéon consacrée cette fois-ci au yodel et notamment à Magali Tochon. C'est tout extrait eh bien, de son album qui s'appelle Le meilleur de Magali que vous pouvez bien sûr vous procurer sur chanteuse-tyrolienne.com. On l'écoute tout de suite dans un morceau typique de sa voix, Jolie Meunière. Sans jamais accorder un baiser, elle aimait les entendre chanter. Jolie meunière aux yeux si doux, quelle chaumière préférez-vous? Jolie meunière, décidez-vous, ou pour Jean-Pierre ou pour Jean-Loup. Tous les deux la pressaient de choisir, mais le jeu amusait la meunière, qui pour leur désir se plaisait à les faire souffrir. Un beau jour, elle dit à Jean-Loup, j'ai donné tout mon cœur à Jean-Pierre. À Jean-Pierre, elle dit, calmez-vous, j'ai donné mon amour à Jean-Loup. Jolie meunière aux yeux si doux, vous étiez fière qu'il soit jaloux. Son chagrin dans les bras d'une tendre bergère, le plus triste accepta son destin et partit vers des pays lointains. La meunière, son petit moulin, s'enferma pour la vie tout entière, et le temps poursuivant son chemin fit d'argent ses beaux cheveux de lin. Jolie meunière, l'amour sur terre vaut mieux que tout. Jolie meunière, tant pis pour vous. Adieu Jean-Pierre, adieu Jean-Loup. Ah, je voudrais quand même faire un petit clin d'œil à vous, fidèles auditeurs de Danser Maintenant, avec Hubert Ledent, avec Arlette et aussi cette petite rubrique accordéon. Et ça me fait très plaisir parce que j'ai des personnes qui me disent « Ah, on t'écoute fidèlement chaque semaine » et j'en connais qui sont du côté de Bellegarde, de Collonges, de Farges. Alors je vais vous faire un petit clin d'œil et pour vous dire merci en écoutant La Valserine. Là-bas, là-haut, dans le vent des Alpages, de ma vallée, c'est le berceau. Un torrent clair au pays des nuages jaillit du ciel. Là-bas, là-haut, valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouillis. Autour d'elle sonnent les clarines, c'est le chant de mon pays. Près des rochers, le chevreuil s'élance, où le chamois saute en plein ciel. Entre les fleurs valserines, tu danses, les fleurs d'été qui font le miel. Valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouillis. Autour d'elle sonnent les clarines, c'est le chant de mon pays. Au Jura, l'étrange sortilège qui prend naissance au Val-Mijoux. Si le vent frais vient du creux de la neige, le vent du soir nous rendra fous. Valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouillis. Autour d'elle sonnent les clarines, c'est le chant de mon pays. Ô ma vallée la plus verte du monde, ma valserine, calme et ta douceur profonde. valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouillis. Autour d'elle sonnaient les clarines, c'est le chant de mon pays. La valserine, j'en connais qui vont être contents. Alors bien sûr, si vous voulez faire une surprise, ou même si c'est pour votre femme, pour vous, eh bien, vous pouvez nous envoyer un petit message, soit hubert@dansezmaintenant.com ou alors christophe@dansezmaintenant.com. Et vous nous dites, ben voilà, ça me ferait plaisir d'entendre tel artiste ou tel morceau. En tout cas, eh bien, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et à bientôt. Avec son troupeau de vaches ou moutons, il a préparé ce voyage, sachant qu'il lui restera longtemps. Et dans sa cabane avec son chien, il s'installera, ce sera très bien. Il vivra tout seul avec son troupeau pendant son séjour tout là-haut. Avec les bergers des vallons, ils pourront chanter et se répondront. Alors l'écho de la montagne lui répétera ce refrain. Sa mère, pour mon cœur, on est bien plus gai. Qu'importe le titre de cette chanson, pourvu que l'on chante, tout est bon. On ne fera pas de tapage dans toute la vallée. Tout le monde entendrait les belles mélodies de l'alpage que chanteront tous les bergers. Maintenant, sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Come prima, più di prima, camerò la mia vita, per la vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni istante dolcemente come sempre ti dirò. Come prima, più di prima t'amerò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti.